Chapitre 2e. Un calme absolu régnait partout. De ma chambre, je ne pouvais entendre aucune voix, aucun mouvement, rien qui révélât l'existence de qui que ce fût. Une chose me paraissait claire. Quelle qu'eût pu être autrefois l'hôtellerie du Corbeau, elle était maintenant abandonnée. Aucun voyageur n'y entrait plus que par hasard, et vraisemblablement, je n'en eusse moi-même jamais franchi le seuil si les ténèbres ne m'avaient empêché de reconnaître la mauvaise mine de la maison. Heureusement, ce n'est que l'affaire d'une nuit, pensais-je. J'avais remplacé mes bottes par les pantoufles que je portais dans mon sac, de sorte que je traversais le corridor et descendis l'escalier sans faire le plus léger bruit. Les gémissements du vent et le grincement plaintif du corbeau de fer se balançant sur son perchoir contribuaient à faire paraître plus profond encore le silence qui m'entourait. Au rez-de-chaussée, je me trouvais devant une porte ouverte qui conduisait à une cour de derrière. Dehors, les dernières lueurs du crépuscule opposées aux reflets jaunâtres produits par la chandelle répandaient une clarté livide qui me permit de distinguer une forme humaine en train de traverser la cour. Cette figure s'approcha de la porte au seuil de laquelle je m'étais arrêté. Elle avait un fardeau sur les épaules et avançait lentement, lourdement, comme accablée sous ce poids. C'était une femme portant ainsi une charge de bois à brûler. Sa tête était courbée vers la terre. Je ne pouvais voir son visage. Mais ses hardes étaient si déguenillées que l'hôtesse auprès d'elle lui semblait bien vêtue, par comparaison. Je m'écartai pour lui faire place. Il passa sans dire un mot ni lever les yeux, à l'endroit son chemin comme une bête de somme épuisée et muette, jusqu'au bout du couloir où elle disparut. Aussitôt la voix rude de la maîtresse m'appela pour souper, et j'entrai dans la longue pièce basse où j'avais été introduit d'abord. Le repas servi au bout de la table consistait en un liquide quelconque, qui avait la prétention d'être du café, une jatte de lait chaud sentant la fumée, un morceau de pain rassis et une tranche de jambon nageant dans la graisse. Le couvert, l'odeur et l'aspect des mets étaient dégoûtants. Je ne pouvais me décider ni à boire ni à manger. La vieille femme se tenait auprès de moi d'un air de mauvaise humeur. Enfin, renonçant à feindre, je demandai du vin. « Si c'est possible, » ajoutai-je. « C'est possible, si vous pouvez le payer. » « Le payer ?» Je ne m'attends certes pas à être servi sans payer. Ah, mais ce n'est pas à bon marché. Nous avons bien le vin du pays. Seulement, celui-là ne ferait point votre affaire. Vous êtes difficile. Je ne jugeais pas nécessaire d'entamer une discussion sur ce chapitre. L'hôtesse continua. Il y a encore une demi-douzaine de bouteilles de bon vin dans le cellier. Pour bon, il l'est. Voilà 30 ans qu'il dort dans la maison. On n'en trouvera pas de pareil à Falkenau, j'en réponds. Je demandai une bouteille de ce vin tant vanté. Et grimaçant un sourire, elle partit, clé en main, pour le chercher. Aussitôt qu'elle fut sortie, je donnai satisfaction au sentiment de curiosité qui grandissait en moi. Il régnait dans toute la maison un air de mystère étrange. Je voulais faire connaissance avec ses hôtes et pénétrer dans la chambre close, au bout du couloir, laquelle, d'après la place qu'elle occupait dans la maison, me semblait devoir être la cuisine. Je poussai doucement la porte et avançai la tête. La pièce était sombre, sauf à l'une de ses extrémités qu'éclairait la triste lueur de l'âtre. Je retournai dans la salle à manger prendre une chandelle. Sa clarté me fit voir une grande cuisine dallée. Quelques ustensiles étaient suspendus au mur enfumé. Tout semblait sordide et négligé, comme dans le reste de la maison. Enfin, fouillant les recoins obscurs, je distinguai deux tas de chiffons, puis un autre tas caché par l'ombre de la cheminée. Et pendant que je les observais, ces tas commencèrent à se mouvoir, puis une main humaine sortit de l'un d'eux et se plaça en guise d'abat-jour au-dessus d'une paire d'yeux qui semblait dirigée vers moi. Je demeurai immobile, retenu par une puissance indépendante de ma volonté. Rien ne troubla, pendant un temps qui me sembla long, ce silence et cette immobilité. À la fin, le tas placé près de l'âtre se souleva en poussant des sons inarticulés. Il se trouva que c'était un garçon, portant sur toute sa grotesque personne les signes distinctifs du crétinisme. Il gloussait une sorte de chanson incohérente et monotone dans laquelle je reconnus les sons qui m'avaient frappé d'abord, à demi étouffés par la distance. Sur ce, un autre personnage se leva et le secoua par le bras. Il reprit sa première attitude auprès du foyer. « Ne lui faites pas de mal, » dis-je à la femme. C'était une femme, la même que j'avais vue apporter du bois dans la maison. Elle ne répondit pas, mais prit de chaque main une bûche qu'elle jeta dans le feu. Alors, Le troisième hôte de la cuisine tourna lui aussi de mon côté un visage sauvage, hagard. Celui-là était un homme jeune et solidement bâti, mais si maigre, si décharné, qu'il eût pu servir de modèle pour représenter la famine. Sans parler, il continua de me regarder d'un air méchant. Je ne saurais exprimer le sentiment qui m'envahit. Je restais cloué sur place, dans un état de stupeur presque égal à celui du pauvre idiot tapi dans les cendres du foyer, et il fallut, pour rompre le charme, que les pas de l'hôtesse se fissent entendre. Je m'enfuis alors, ne me souciant pas qu'elle me trouvât là. Pourquoi ? Je n'aurais su le dire. J'étais à peine rentré dans la salle à manger, que la vieille femme reparut, portant une bouteille enveloppée de toile d'araignée. Elle branlait la tête en retirant le bouchon. J'essuyais sans cérémonie avec un coin de la nappe le verre terni, avant de le remplir d'un liquide couleur de rubis dont le bouquet chatouilla mon odorat. C'était un vin vieux, du Bourgogne de premier cru. Sous sa bienfaisante influence, je sentis l'horreur nerveuse qui m'avait envahi se dissiper comme un froid brouillard devant le soleil. Mes mains glacées reprirent leur température normale. Il me sembla même que je m'habituais aux façons de mon hôtesse qui s'en allait croissant. Sa langue ayant été déliée par un verre du généreux Bourgogne qu'elle avait accepté sur mon invitation. Elle était veuve. Feu son mari avait été un homme considéré, membre du conseil gouvernant le district. Il appartenait, ainsi qu'elle-même, à une ancienne famille. Ils avaient eu à supporter bien des traverses, bien des accidents de différentes sortes. Et puis le mari était mort, il continuait sans lui à gouverner la maison. « Mais vous ne vivez pas ici tout à fait seul, » dis-je, songeant aux singuliers habitants de la cuisine. « Vous avez des domestiques ?» Elle jeta sur moi un regard empreint d'une soudaine méfiance. « Quel domestique ?»« Vous devez le savoir mieux que moi. J'ai vu une femme revenir de la cour avec une charge de bois. Et tout à l'heure, j'ai jeté un coup d'œil dans la cuisine et j'ai encore vu un balai, un garçon d'écurie, à ce qu'il m'a semblé. Pour être franc, j'avouerai que ces braves gens m'ont paru l'un et l'autre laissés à désirer sur le rapport de la tournure et des manières. Je me demande comment vous pouvez vivre avec de pareils êtres. » Elle demeura une minute, le menton dans la main, l'œil fixe, réfléchissant profondément. Ensuite elle répondit. « Ils sont un peu sauvages en vérité. L'habitude de voir des étrangers leur manque. » Mais, ajouta-t-elle avec un sourire, qui chargea son front de rides serrées, « je ne suis pas une petite maîtresse, moi. Il n'est pas facile de me faire peur. » Par un excès d'attention dont je me serais bien passé, elle ne voulut plus me quitter et insista pour m'éclairer jusqu'à ma chambre. Je remarquai que la porte que j'avais laissée grande ouverte était fermée, et qu'au lieu de grincer comme auparavant, la serrure joua sans bruit quand je tournais le loquet. « Je l'ai graissée, » dit l'hôtesse, répondant à mon regard. « Elle en avait besoin. » Je me trouvais dans une meilleure disposition d'esprit. L'odeur de cave avait disparu grâce au courant d'air. Le lit était garni de linge propre et sec. Je m'interdis résolument toute investigation nouvelle des coins où le balai aurait eu besoin de passer. Le souvenir même des tristes habitants de la cuisine ne produisait plus un effet aussi pénible sur mon imagination. En un mot, le Bourgogne avait fait merveille. Comment ai-je pu me laisser impressionner par ces pauvres diables ? Disais-je, tout en plaçant la chandelle avec des allumettes à ma portée avant de me mettre au lit. Les crétins sont malheureusement communs en Suisse. J'en ai vu bien d'autres. Comme le fun grandit. Ma foi, vieux corbeau noir, quelque mal tenu que tu sois, ton abri est encore préférable à la belle étoile par une nuit comme celle-ci. Je devais bientôt changer d'avis. Ma longue course de la journée au grand air, sans compter le bon vin, m'avait prédisposé au sommeil. Je ne tardais point à m'endormir profondément. D'abord, je ne rêvais pas. Puis, peu à peu, des visions heurtées et confuses fourmillèrent dans mon cerveau, et finalement, une image souvent évoquée, celle d'un être chéri que j'avais perdu, se détacha, claire et précise. J'allais lui adresser la parole, quand le mot qu'ébauchait déjà mes lèvres, sous l'empire d'un doux songe, fut hurlé tout à coup, pour ainsi dire, à mon oreille, avec une intonation qui fit tressaillir tous les nerfs de mon corps. « Mère !» Un cri m'avait éveillé en effet. Quelle pouvait être cette terrible voix qui proférait le nom sacré de mère avec un accent capable de faire figer le sang dans mes veines? J'attendis, en proie à une sorte d'angoisse, mais seul le vent mugissait d'une façon désordonnée. Je m'étais persuadé déjà que la voix n'était que l'effet d'une hallucination quand se renouvela ce hideux hurlement. « Mère !» suivi de cris, de rires et d'une cacophonie de sons inarticulés, semblable à un concert de démons. Je m'élançai hors du lit et rallumai ma chandelle. La flamme vacillait sous le souffle du vent que laissaient passer les fentes des volets. La chaleur était étouffante, malgré la violente impulsion de l'air qui semblait lui-même sortir d'une fournaise. Tandis que j'endossais mes vêtements en toute hâte, mille conjectures extravagantes se présentaient à mon esprit et l'horrible sabbat continuait toujours. Maintenant, c'était des cris de douleur et des gémissements étouffés à demi. Le plancher, au-dessus de ma tête, fut secoué par un piétinement convulsif. Il me parut qu'on traînait de force un corps lourd qui se débattait. Que pouvait-il se passer dans cette maison mystérieuse ? Un meurtre, peut-être ?